J'aimerais mieux la belle Marion que toutes vos demoiselles. J'aimerais mieux la belle Marion que toutes vos demoiselles. Elle est belle puis elle rit, elle est faite à mes désirs. Grand Dieu comme elle est belle, je l'aime mieux qu'une autre. Embrasse-moi la belle Marion, embrasse-moi mamie. Embrasse-moi la belle Marion, embrasse-moi mamie. Embrasse-moi autant de fois qu'il y a de feuilles dans ces bois, de fleurs dans la prairie. Embrasse-moi mamie. Mais quand nous lui ferons la cour, n'y allons pas trop vite. Mais quand nous lui ferons la cour, n'y allons pas trop vite. Parce que plus vite nous irons, plus d'argent nous dépenserons d'embrasser cette brune, la barbe vous en fume. Maître, vous ne savez donc pas ce que les méchants disent. Maître, vous ne savez donc pas ce que les méchants disent. Ils s'en vont partout disant que je n'ai pas un sou vaillant pour acheter une biode, pour aller voir ma Claude. Mon maître m'y a répondu, ne suis-je pas bon maître? Mon maître m'y a répondu, ne suis-je pas bon maître? Va vendre ces 6 moutons, cela t'y fera de l'argent pour acheter une veste, pour aller voir ta maîtresse.